J'ai des refrains qui ont pris des peines, dont on rejoint la tombe. Bah ouais, la rue ça fait mal, ouais. Chaque jour je risque un mandat dépôt. Ouais, le bon vieux. Faut mailler en bas d'espace. Sans j'ai vidé la tête, je vais péter ma tête, faire crier ma peine. Le cœur est peine, je te dis que tout va bien. Mais si tu savais, on s'arrête pas chaque jour, c'est le charbon. Ouais, le bon vieux. Faut mailler en bas d'espace. La rue m'a fait comme Donny M, tout le monde je me méfie. Ma vie dépasse la fiction, tu peux même pas dire je suis dans un meufil. La chétane ça fait péfli, comprend qu'en peu de personnes je me fie. Des vampires veulent sucer mon sang, mais dans mon équipe boss me fie. On pris des peines, dont on rejoint la tombe. Bah ouais, la rue ça fait mal, ouais. Chaque jour je risque un mandat dépôt, ouais le bon vieux. Faut mailler en bas les spas. J'ai des refrains qu'on pris des peines, dont on rejoint la tombe. Bah ouais, la rue ça fait mal, ouais. Chaque jour je risque un mandat dépôt. Ouais, le bon vieux. Faut mailler en bas d'espace. Sans j'ai vidé la tête, je vais péter ma tête, faire crier ma peine. Le cœur est peine, je te dis tout va bien. Mais si tu savais, on s'arrête pas chaque jour, c'est le charbon. Ouais, le bon vieux. Faut mailler en bas d'espace. Je veux baiser la vie en l'ulcé, je l'ai trop ploté. Contempler montagne, celui à sous cocktail. Je viens de là où pour manger, t'es forcé de comploter. Le haram a eu la rue, m'a condamné. Je rappe pas, je fais rien, j'ai des bons vieux qui gèrent tout. Par à la brade pas, je te préviens parce que si je viens j'éteins tout. Je vise la renta, donc je rétème la rabra, je la pécou. Je suis mal accompagné, j'ai le dos carré. Ah bah la hess life de n'importe quelle façon. Façon ces millions CD pour moi, je pas tes contrefaçons. On va les grailles, te casse, les enfiler comme des Odell Basso. Pas besoin de dire que je suis la rue, je l'empeste ou de mentir hess. Mes frères ont pris des peines, dont on rejoint la tombe. Bah ouais, la rue ça fait mal, ouais. Chaque jour je risque un mandat dépôt, ouais le bon vieux. Faut mailler en bas les spas. J'ai des refrains qui ont pris des peines, dont on rejoint la tombe. Bah ouais, la rue ça fait mal, ouais. Chaque jour je risque un mandat dépôt, ouais le bon vieux. Faut mailler en bas les spas. Sans j'ai vidé la tête, je vais péter ma tête, faire crier ma peine. Le cœur est peine, je te dis tout va bien. Mais si tu savais, on s'arrête pas chaque jour, c'est le charbon, ouais le bon vieux. Faut mailler en bas les spas. We'll be right back.